Bonjour à tous et à toutes, chers amis, et bienvenue à Entrepod, l'émission culturelle de FrenchPod, où nous parlons de tout ce qui touche à la langue française, à la France ou à la francophonie. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais il y avait une leçon à avancer qui était relative aux fables de La Fontaine et qui s'appelait « Le corbeau et le renard ». Comme cette émission avait eu pas mal de succès, nous avons décidé aujourd'hui de reprendre deux des fables de ce poète français et de vous les présenter. Alors pour ce, j'ai une amie avec moi aujourd'hui qui s'appelle Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va ? Eh bien ça va très bien, je suis contente d'être ici. Parfait. Alors ce qui serait bien par contre, avant qu'on présente les deux fables et qu'on les lise, c'est que toi tu te présentes un peu plus. Alors moi je viens de La Rochelle, qui est entre Nantes et Bordeaux, sur la côte de l'océan Atlantique. C'est juste sur la côte, c'est un port ? Oui c'est un port, oui, qui est assez important. Et Il y a combien d'habitants dans la ville ? Je dirais autour de intramuros de 75 000 habitants. D'accord. Okay. C'est une petite ville qui a un caractère assez sympathique puisqu'il y a des tours et des fortifications anciennes, des rues, le centre-ville est très sympa, sous arcades. C'est une ville qui est riche culturellement ? Voilà, oui. Très riche, on a un beau musée maritime, de beaux bateaux et c'est une ville très agréable à vivre. D'accord, donc toi tu t'y plaisais, tu as vécu combien de temps en fait ? Moi j'y ai vécu 5 ans. D'accord. Voilà, en fait, j'ai plus vécu mes études là-bas et j'ai tellement aimé la ville que je me la suis appropriée. Donc maintenant, je dis que je suis de La Rochelle. Et donc, comme on a vu, c'est un port, donc c'est situé sur la côte atlantique. Oui, voilà, à côté de l'île de Ré, l'île d'Aix, l'île d'Oléron. Donc c'est un petit coin très sympathique pour passer ses vacances. On a beaucoup de touristes pour l'été. Ouais. On a donc l'île de Ré, qui est une île assez connue pour les belles villas qui sont là-bas avec des gens du gouvernement. Qui ont une seconde résidence là-bas. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de secondes résidences, de gens qui habitent à Paris, qui viennent avec leurs enfants passer une semaine au calme. T'as une seconde résidence à l'île de Ré ? Moi, non, malheureusement, non, pas encore. Ok, ça viendra. Voilà. Et concernant les plages qui se trouvent près de La Rochelle, ce sont quoi ? Des plages de sable, de galets, des falaises ? Alors, c'est plus du sable. La plage est artificielle, hein, c'est pas une belle plage. C'est-à-dire la plage qui est vraiment juste près de la ville ? Voilà, qui est dans la ville, qui est dans la ville. On a deux plages dans la ville. Mais le mieux, si on veut vraiment une belle plage, il faut aller donc soit sur les îles, île de Ré, île d'Oléron. Île d'Oléron, il faut y aller si on veut surfer ou faire du kitesurf. Pour les vagues, c'est le mieux. Ouais. Et sinon, on descend à 20 minutes, même pas, un quart d'heure en dessous de La Rochelle. Et on va à Châtelaillon pour aller à la plage. D'accord. Quand tu parlais des deux îles, elles sont très connues en France, l'île de Ré et l'île d'Oléron. Elles font vraiment partie du patrimoine. Ah oui. Et puis en plus, il y a un pont qui relie directement La Rochelle à l'île de Ré. C'est le pont le plus long de France. Et donc oui, c'est une île très connue pour aller en vacances. La Rochelle, on l'appelle le petit Saint-Tropez de l'Atlantique. Ah d'accord. Pour les Parisiens. Évidemment, ici à FrenchPod, on a toujours bien parlé de l'aspect culinaire. Donc, le sujet, c'est pas comblé si tu ne nous disais pas un peu ce qu'il y a vraiment de... Quelle est la spécialité un peu de la région ou bien de La Rochelle dans ton coin là-bas ? C'est au bord de la mer, donc tout ce qui est crustacés, poissons. Ouais. Vous allez faire votre marché le matin, c'est super sympa d'avoir la fraîcheur des poissons, des moules, des huîtres, les crabes, c'est super bon et ça fait du bien de manger frais. Donc il y a un marché aux poissons qui se trouve sur la place, sur une des places ? Bien sûr, c'est un port, c'est au bord de la mer, donc oui, on a tous les produits frais de la mer. Qui arrivent directement le matin. Enfin, voilà. Excellent. Ok, donc c'est vraiment intéressant de connaître un peu plus sur cette ville. Maintenant, nous allons revenir à La Fontaine. Nous allons vous présenter deux fables que nous aimons beaucoup. Et donc, Julie, t'as choisi quelle fable ? Alors, moi, j'ai choisi la fable de la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une fable qui dépeint la société de Jean La Fontaine, donc sous Louis XIV, qui pourra s'appliquer, je pense, aujourd'hui et très loin dans le futur. C'est la condition humaine, l'esprit humain qui ne changera pas. Donc, je vais vous faire la lecture. D'accord. Bon, vous êtes prêts ? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse de ses temps, et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Nenni, m'y voici donc ? Point du tout. M'y voilà ? Vous n'en approchez point ! » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Voilà, donc l'histoire de la grenouille qui veut ressembler à quelque chose de plus gros qu'elle, mais qui n'est pas du tout dans sa nature, plus grosse que le bœuf. La morale est décrite après en quatre vers par Jean de La Fontaine lui-même, qui dit ainsi « Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. » Alors ici, Jean de La Fontaine décrit l'esprit humain qui veut souvent être supérieur à ce qu'il n'est déjà, qui veut toujours être au-dessus, qui ne se satisfait jamais de sa condition. On peut y rajouter un proverbe, « Avoir les yeux plus gros que le ventre ». Donc comme c'est un poème du XVIIe siècle, on retrouve un petit peu la prose de cette époque. Hein. Il y a des phrases que l'on n'emploie plus dans le français d'aujourd'hui. Par exemple, rien que dans le titre, « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf », on dirait aujourd'hui « La grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf ». Il y a aussi, oui, à la fin, quand on dit « La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva ». La chétive pécore, le mot pécore, on l'emploie plus beaucoup aujourd'hui. Bah non, disons la vérité, hein, on ne voilà, connaissait pas avant ça. On a fait nos recherches, et donc une pécore, c'est une sotte et prétentieuse. Cette grenouille est sotte et prétentieuse. Voilà, elle devrait avoir une petite leçon d'humilité, comme on dit. Et toi, Maury, quelle est la fable qui t'a le plus marqué ? J'ai choisi une fable que j'aime beaucoup parce que je m'y retrouve. Oh, alors j'ai hâte d'entendre ça. Alors, je vais la lire directement. Ok. Elle s'appelle « La cigale et la fourmi ». La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. « Eh bien, dansez maintenant !» D'accord. Et alors, quel personnage es-tu ? Est-ce que tu chantes ou est-ce que tu travailles ? Devine. Eh oui, pourtant, comme la cigale, j'aurais dû apprendre la leçon. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Enfin, on ne va pas t'éterniser. Ça viendra. C'est la jeunesse, ça, c'est pour exactement. Ça. Exactement. Autant en profiter un petit peu. On travaillera plus tard. Alors, je vais juste revenir un peu sur quand même cette fable où il y a quelques éléments, comme pour toi, qui remontent un peu à de l'ancien français, donc des structures qui sont un petit peu compliquées au début. Donc, la cigale se rend auprès de la fourmi, car elle n'a rien eu à manger. On dit elle n'a pas eu un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Donc là, un vermisseau, c'est juste simplement... Un petit ver. Oui, exactement. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va crier famine. Donc, simplement, elle va... Famine. Et donc voilà, pour vous, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais donc crier famine, c'est quand on a faim et donc on demande à prêter pour subsister, pour avoir un peu à manger. Parce qu'évidemment, la bise était venue, donc la bise, c'est un vent froid. C'est vrai que la bise, ça veut dire ça aussi, c'est un bisou. On peut dire je fais une bise, je fais un bisou, un baiser, mais ici, la bise a une autre signification, ça a le sens d'un vent et notamment un vent froid en fait. Donc quand elle va plaider sa cause auprès de la fourmi, elle lui dit que si la fourmi veut bien prêter à la cigale quelque chose, elle lui dit avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. Ici, l'août, évidemment, c'est le mois. Donc, elle lui dit qu'elle lui remboursera avant l'août, intérêt et principal. Donc, l'intérêt, c'est les intérêts et le principal, c'est le montant qu'elle a emprunté. Et la dernière chose, c'est donc à la fin de cette fable, la fourmi se moque de la cigale puisque la cigale n'a fait que chanter pendant tout l'été. Et elle lui dit, j'en suis fortaise. Donc elle lui dit, je suis contente pour vous. Et maintenant, dansez. Donc la morale ici, je crois qu'elle est passée. Elle est évidente, toi. Ouais. On a tous à apprendre un peu de ces deux fables. Apparemment, peut-être toi, non? Peut-être certains un peu plus que d'autres. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur La Fontaine, je vous rappelle, comme j'ai dit en début de programme, qu'il y a un podcast déjà qui s'appelle Le Corbeau et le Renard, une leçon avancée sur Jean de La Fontaine. où vous aurez la possibilité d'écouter la fable et d'en savoir un peu plus également sur La Fontaine. Pour ma part, je mettrai ces deux fables sur la page de discussion. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et surtout remercier énormément Julie qui est venue ici aujourd'hui. Merci à toi pour ton accueil. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, très agréable. Je reviendrai. Et donc, on se retrouve toujours sur frenchpod.com. Vous avez trois leçons hebdomadaires. À bientôt, salut. Au revoir.